Pendant près de 3 ans, Pierre et les 11 autres disciples ont vécu avec le Seigneur. Il les a instruits, ils ont assisté à ses miracles et ils ont vu les foules se tourner vers lui. Quant à Pierre, et nous l'avons encore vu lors de notre dernière émission, il avait reconnu que si l'intérêt de tous se polarisait sur Jésus, c'était bien parce qu'une puissance divine émanait de lui et que lui seul pouvait communiquer la vie véritable. Aussi avait-il dit à Jésus « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 68. « À qui irions-nous ? » Pierre s'est exprimé à la première personne du pluriel. Il a donc parlé au nom des 12, témoignant ainsi de leur foi et de leur attachement au Seigneur. Bien sûr, Pierre avait la parole facile. Fougueux et impulsif, il était toujours prompt à faire de belles promesses. Mais il ne se rendait pas toujours compte de ce que cela signifiait dans la pratique. C'est la semaine de la Pâque. Jésus sait que sa mort approche et il voudrait préparer ses disciples à cet événement dramatique. Mais chaque fois qu'il aborde le sujet, il se heurte à un mur d'incompréhension. Les disciples ont d'autres préoccupations. Sous peu, ils vont discuter entre eux pour savoir qui est le plus grand des 12. Ils sont donc bien loin de comprendre ce qui les attend. Aussi, dans le but d'avoir un dernier tête-à-tête avec eux, Jésus a fait réserver une chambre à Jérusalem, où ils prendront le repas de la Pâque tous ensemble. Pour cette ultime soirée, le Seigneur réserve à ses disciples un enseignement vital, les précieuses paroles que nous rapportent les chapitres 13 à 16 de l'Évangile selon Jean. Chers auditeurs, voulez-vous, s'il vous plaît, ouvrir avec nous votre Bible au 13e chapitre de l'Évangile selon Jean ? Les 12 sont à table, en train de manger. Soudain, Jésus se lève, ôte ses vêtements, prend un linge et s'agenouille pour laver les pieds des disciples. Un acte prosaïque que pratiquait d'ordinaire un esclave à l'égard des invités de son maître, lorsqu'ils entraient dans sa maison. Dans cette chambre haute, il n'y avait pas d'esclaves. Et aucun des disciples n'avait envie de jouer ce rôle. Personne ne s'était donc offert pour laver les pieds des autres ce soir-là, avant de se mettre à table. Et voilà que Jésus se lève, alors que le repas a déjà commencé. Il verse de l'eau dans un bassin et lave les pieds des disciples. Lisons donc, depuis le verset 6, Jean, chapitre 13. Jésus vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, « tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Pierre, l'homme des contrastes, aux réactions aussi vives qu'inattendues. D'abord, il ne veut pas se laisser laver les pieds, puis il propose au Seigneur de lui laver non seulement les pieds, mais aussi les mains et même la tête. Pourquoi ces attitudes extrêmes ? Parce que Pierre n'a pas saisi la portée du geste du Seigneur. Il est gêné, choqué même, de voir Jésus à ses pieds, accomplissant cet acte réservé d'habitude au dernier des serviteurs. Dans ce sens, la réaction de Pierre est louable. Il ne veut pas que son Seigneur s'abaisse devant lui, parce qu'il sent fort bien que ce serait plutôt à lui, Pierre, de se jeter aux pieds du Seigneur. Mais si Pierre réagit violemment et cherche à empêcher le Seigneur de lui laver les pieds, c'est parce qu'il n'a pas compris que le Seigneur voulait donner à ses disciples un exemple d'amour et d'humilité, afin qu'eux aussi agissent de même à l'égard des autres par la suite. « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » a dit Jésus. En effet, ce n'est que plus tard que Pierre saisira ce que le Seigneur veut alors lui enseigner. Le jour viendra où il glorifiera son maître en le servant comme il demande d'être servi. Pour l'instant, Jésus fait comprendre à Pierre que s'il ne le laisse pas lui laver les pieds maintenant, il n'aura aucune part avec lui dans l'accomplissement de ses plans. Et comme Pierre a le sincère désir d'être agréable à Jésus, le voici qui se ressaisit et veut tout de suite plus que les autres. « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Pierre ne mesure pas la portée de ses paroles. Sa réaction procède de sa nature propre, de son égo impulsif et parfois violent. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui s'exprime en lui, mais l'homme naturel, dont l'Écriture dit qu'il ne comprend pas les choses de Dieu. Cependant, le Seigneur a laissé aux disciples un exemple d'amour fraternel et d'humilité. Il voudrait qu'ils apprennent à s'abaisser et à prendre la dernière place. Aussi, ayant achevé de leur laver les pieds, il remet ses vêtements et dit aux 12, versets 13 à 15, « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Pierre, tu as de la peine à consentir que le Seigneur te lave les pieds? Mais consentiras-tu à faire de même à l'égard de tes collègues disciples? Pierre, tu es toujours le premier à parler. Tu décides toujours pour les autres. Tu parles en leur nom. Consentiras-tu à te mettre à leurs pieds? T'abaisseras-tu à leur laver les pieds? Oui, laver les pieds, par exemple, à Jean et à Jacques, qui sont si souvent en colère qu'on les a appelés fils du tonnerre. Laver les pieds à Thomas, celui qui a toujours le moral à zéro. Ou même, et c'est un comble, laver les pieds à Judas, celui qui tient la bourse et qui prend ce qu'on y met. À ce moment précis, Pierre n'est guère en état d'accepter cette dure leçon. Mais le souper se prolonge. Le Seigneur institue la Sainte Cène. Oh, cela a dû être un moment béni entre tous. Un moment cependant terni par l'annonce de la trahison de l'un des 12. Et quand Judas est sorti de la chambre, dévoilé ainsi comme traître devant tous, le Seigneur reprend le thème abordé pendant le repas et il insiste auprès des 11, versets 34 et 35. « Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Pierre, saisissait-il l'importance de ce message? Il semble que non. Probablement que son esprit était préoccupé parce que Jésus avait dit juste avant, verset 33, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » Pour Pierre, la seule pensée d'être séparé de Jésus est insupportable. Pourquoi le Seigneur ne dit-il pas où il va? N'est-il pas prêt, lui, Pierre, à le suivre n'importe où, jusqu'au bout du monde s'il le faut? Aussi Pierre s'enhardit, verset 36. « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Essayez de vous mettre dans la peau de Pierre. Il veut suivre le Seigneur n'importe où et à n'importe quel prix. Et Jésus lui dit, « Pas maintenant, plus tard. » Pourquoi plus tard, alors qu'il est prêt à suivre le Seigneur dès maintenant et pour toujours? Aussi n'hésite-t-il pas à interrompre son maître. « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Verset 37. « Ah, tu crois, Pierre? Tu donnerais ta vie pour Jésus-Christ? Tu penses que tu es capable de le suivre aujourd'hui, demain, toujours, sans défaillance? Mais Pierre, tu ne te connais pas toi-même. Dans quelques heures, tu vas renier publiquement et à trois reprises ce maître que tu prétends aimer de tout ton cœur. Pierre, tu es bien disposé, mais tu ne connais pas ton propre cœur. Tu ne mesures pas tes prétentions. Tu ne vois pas encore que toutes tes bonnes résolutions ne mèneront qu'à l'échec. Promettre de donner sa vie, c'est une chose. Mais donner sa vie, c'est avant tout renoncer à soi-même. Et cela, Pierre, tu dois encore l'apprendre. Aussi le Seigneur prévient-il son disciple, sans doute avec beaucoup de grâce. Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. Verset 38. Si le chapitre 13 de l'Évangile selon Jean s'achève avec ces mots, l'histoire de cette mémorable soirée ne s'est hélas pas achevée là pour Pierre. Les évangiles nous racontent comment ce cher disciple est entré dans la cour du sacrificateur et a menti 3 fois en prétendant ne pas connaître Jésus. Ce sera le sujet de notre prochain entretien sur la vie de Pierre. Pour l'instant, revenons à nous-mêmes et prenons la peine de nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Les prétentions dont Pierre a fait preuve ne se retrouvent-elles pas en chacun de nous? Lorsque nous avons un problème, n'avons-nous pas d'abord recours à nos capacités propres, à nos dons naturels, aux ressources presque inépuisables de notre personnalité ou de notre tempérament? Ne devrions-nous pas plutôt considérer nos manquements, nos faiblesses et nos faillites constantes? Et notre nature déchue, que nous ménageons tant, ne devrait-elle pas enfin capituler? Ah, chers amis à l'écoute, que c'est difficile pour nous de cesser de compter sur nos forces propres et de ne compter que sur la grâce divine. Tant que nous nous appuyons sur nous-mêmes, nous ne découvrons pas ce que signifie dépendre pleinement de Jésus-Christ. Voulons-nous encore faire attendre le Seigneur? Ou bien voulons-nous enfin nous attendre au Seigneur ?